Donc nous commençons par la première intervention, donc qui est celle de Pascal Molinier, donc qui est maître de conférence à la chaire psychanalyse santé travail du Conservatoire national des arts et métiers de Paris. Elle est responsable de l'équipe psychodynamique et psychopathologie du travail du laboratoire de psychologie du travail et de l'action du CNAM, et elle est rédactrice en chef de la revue Travailler. Elle a publié par ailleurs des ouvrages, dont « Enjeux psychiques du travail »,« Introduction à la psychodynamique du travail »,« L'énigme de la femme active »,« Égoïsme, sexe et compassion » et « Psychodynamique du travail et identité sexuelle », ainsi que beaucoup d'articles sur la construction des identités sexuelles au travail, la virilité, l'éthique du dévouement et la psychodynamique du travail. Donc je lui donne tout de suite la parole pour une conférence intitulée « Sensibilité et connaissance dans l'interprétation en psychodynamique du travail ». Oui, alors bonjour, ça marche, on m'entend ? Ouais. Ma discipline de référence, la psychodynamique du travail, se consacre à l'analyse de la souffrance et du plaisir dans le travail. En fait, c'est quand même très fréquemment la souffrance, mais ça peut aussi être le plaisir. Et donc, on a pu montrer à travers toute une série de travaux depuis une vingtaine d'années que face à la souffrance générée par le travail, les gens ne restent pas passifs, hein. Ils se défendent. Ils construisent des défenses et donc on peut dire aussi que finalement l'objet de l'investigation de la psychodynamique du travail, eh bien, c'est l'analyse de ces défenses individuelles ou collectives qui sont mises en place donc, pour lutter contre la souffrance dans le travail et pour préserver la santé mentale. Donc ça c'est fait par des chercheurs. Et ben l'activité des chercheurs, c'est aussi un travail. Alors il est connu depuis longtemps, et je pense en particulier depuis les travaux de Georges Devreux dans les années 80, que la plupart des terrains, et certains terrains plus que d'autres, génèrent de l'angoisse du côté des chercheurs, et des défenses du côté des chercheurs, qui orientent l'interprétation des données. Donc moi je pense que c'est une découverte très importante qu'a fait Devreux, elle est largement sous-estimée, et pose la question du statut qu'il convient d'accorder à la subjectivité des chercheurs, en particulier dans les disciplines cliniques comme la mienne. Quel statut faut-il accorder à cette subjectivité dans les résultats, quand les données recueillies ressemblent plus finalement à des processus de compréhension qu'à des données au sens subjectif du terme ? Alors évidemment, c'est particulièrement important dans une discipline qui prétend analyser la souffrance et les défenses des autres. Il serait quand même tout à fait bizarre que la subjectivité du chercheur disparaisse complètement du tableau final. Et pourtant, c'est quand même assez fréquemment le cas. Il y a un certain nombre de travaux qui maintiennent un point de vue finalement assez surplombant sur la souffrance des autres. Des travaux dans lesquels on ne sait pas très bien comment les chercheurs sont affectés par leur rencontre avec les enquêtés, ni en quoi ou comment cela affecte leurs interprétations. Alors il y a aussi des gens qui font l'effort de présenter les choses un petit peu différemment, et là je vous renverrai très brièvement au numéro de la revue Travailler 23 qui va sortir au mois de janvier, parce qu'il se trouve qu'il y a deux articles, un article qui a été écrit par Sophie Ingviller et co-signé par moi, et un article de Marina Pietri qui montre assez bien, il me semble, comment justement les défenses des chercheurs ou des intervenants à un moment donné peuvent impacter leurs interprétations, et comment aussi on peut mettre en place un certain nombre de dispositifs dont je ne parlerai pas ici et que je résumerai en termes de dispositifs de supervision pour essayer quand même justement d'en tenir compte dans l'analyse. Alors sur un plan, je dirais, théorique, c'est extrêmement compliqué d'intégrer la subjectivité des chercheurs dans les résultats d'une enquête sans être accusé de parler plutôt de soi et pas des autres, hein. C'est en général ça qui est reproché aux chercheurs qui le font, en même temps qu'il est de mon point de vue absolument capital d'y parvenir, et en particulier en ce qui concerne la psychodynamique du travail. Par ailleurs, on constate qu'il y a des personnes qui sont dotées d'une sensibilité qui leur permet d'accéder à la souffrance des autres, hein, ce qu'on appelle le sens clinique. Et ce sont souvent pas les mêmes personnes qui ont la fibre théoricienne. Ça mérite d'être souligné aussi, même si là non plus je ne le développerai pas. Et ces personnes qui ont un sens clinique et pas forcément, en tout cas en première intention, une fibre théoricienne, sont d'autant moins aidées à théoriser leur clinique qu'il y a peu de ressources conceptuelles et théoriques pour donner une forme qui soit à la fois intelligible et légitime à la subjectivité des chercheurs dans l'analyse. Alors, ce qui est important de dire aussi, comme ça, de façon un peu liminaire, c'est que la souffrance générée par le travail, elle n'est pas tellement dans ce qui est dit. C'est-à-dire, c'est pas tellement en écoutant ce que les gens disent qu'on la découvre. C'est même parfois plutôt en écoutant ce qu'ils ne disent pas. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que il n'y a pas d'interprétation de la souffrance qui n'implique un corps, alors, et même des corps en présence, c'est-à-dire les corps de ceux qui s'expriment au nom de leur souffrance au travail, et puis le corps de l'interprétant, hein, du chercheur qui doit savoir se laisser affecter par le ton, par la voix, par les silences, les regards, les gestes des autres, pour arriver à saisir ce qui se passe du côté de la subjectivité de l'autre. Quelle objectivité prétendons-nous atteindre, par exemple, quand le recueil de nos données se limite, et parfois de façon très obsessionnelle, je dois dire, à ce qui est dit. Vous savez, c'est les gens qui sont cramponnés à leur magnétophone, hein, qui pensent que ce qui compte, c'est ce que le magnétophone enregistre. Le magnétophone enregistre un peu la voix, il enregistre beaucoup le dit, mais il enregistre très peu de cette présence singulière, hein, qui crée la rencontre entre les uns et les autres et à travers laquelle on peut commencer à se faire une idée de ce qui fait la dimension subjective particulière d'une situation de travail. Alors, pour en parler, je m'appuierai sur des enquêtes qui ont été réalisées en 2006-2007 avec une collègue qui s'appelle Jocelyne Porcher. Enquêtes qui ont été réalisées dans des élevages industriels en Bretagne et au Québec. Donc, ces enquêtes partaient du présupposé que les contraintes du travail dans l'industrie porcine étaient nuisibles aux salariés comme aux animaux et que ceux-ci devaient se libérer ensemble grâce à une convergence entre un travail plus digne et un meilleur bien-être animal. Ça, c'était le point de vue, je dirais, un petit peu du côté des chercheurs. Pour les associations d'éleveurs qui avaient accepté la réalisation de ces enquêtes, ils avaient une question qui était un peu plus triviale. Ils souhaitaient savoir, mieux cerner, pourquoi ce qu'on appelle la filière porc, hein, puisque c'était dans l'industrie du porc exclusivement que nous sommes intervenus, pourquoi cette filière rencontre autant de difficultés à recruter des salariés, d'une part, et ensuite à les stabiliser dans l'emploi, d'autre part. Alors, chercher à comprendre la souffrance d'autrui, c'est aussi finalement se soucier de lui. Et il existe, me semble-t-il, un rapport étroit entre la perspective du care, dont il va être beaucoup question cet après-midi, et l'interprétation de la souffrance dans le travail. Si on n'est pas un tout petit peu, si on se soucie pas un tout petit peu de l'autre, je veux dire, on a peu de chances quand même d'accéder à ce qui ressent. Mais la particularité de cette enquête ou de ces enquêtes, c'est qu'elles n'ont cessé de faire jouer une tension à l'intérieur du care, que je formulerai autour de deux questions, hein. Dès qu'on se souciait des salariés, est-ce qu'on ne risquait pas de se soucier moins du sort des animaux? Et dès qu'on se souciait des animaux, ne risquait-on pas de prendre les salariés en horreur? Alors, quand on va sur un terrain, hein, il faut s'attendre en toutes circonstances à être dérangé dans ses convictions. Et quand ça arrive, ben, c'est une expérience très angoissante. Et de ce point de vue, les résultats de nos enquêtes, la première chose qu'ils ont fait, c'est de remettre sérieusement en question les présupposés d'une convergence entre les intérêts des salariés et ceux des cochons, ce qui, je vous rappelle, était notre hypothèse de départ. En effet, la souffrance que les salariés exprimaient n'était pas celle d'infliger de la souffrance aux animaux, même s'ils reconnaissaient volontiers que la vie d'un cochon d'élevage n'était pas très marrante. Par exemple, quelqu'un disait « la truie, elle n'est pas heureuse toute seule dans sa cage, mais on ne peut pas faire autrement du moment qu'elle n'est pas brutalisée ». Alors, on notera, hein, donc la souffrance des salariés bretons ne provenait pas du malheur détruit, mais provenait plutôt de la hantise que les animaux soient victimes d'une épidémie et d'un abattage massif d'un côté, et puis de l'autre côté de leur ressentiment à l'encontre de leurs concitoyens, ceux-ci exprimant globalement plus de compassion pour les cochons que d'estime et de reconnaissance pour ceux qui produisent la matière première de la viande de porc, accusés plutôt d'être les tortionnaires des animaux, si vous lisez un petit peu dans les médias, et les pollueurs des rivières. Tu fais quoi exactement ? Tu es porché, ça arrête la conversation, disait quelqu'un dans une de nos enquêtes, et ajoutant, ce qui faisait rire ses collègues, j'en connais un qui disait « obstétricien d'élevage ». Les travailleurs donc, de l'industrie porcine se sentent victimes d'un préjudice moral. Les animaux sont mieux lotis que les humains. On donne plus d'importance aux cochons, c'est le monde à l'envers. Ça, c'est des phrases qu'on a pu recueillir. Donc, on voit bien que l'univers moral des porchers n'est pas celui des protecteurs des animaux. Ce qu'ils appellent donc, d'une façon qui fut pour moi assez saisissante, le monde à l'envers. Puisque dans ce monde à l'envers, le monde des protecteurs des animaux, les porchers ont le sentiment d'être traités moins que des bêtes. Ils sont soit oubliés, soit considérés comme des monstres. Alors, dans ce contexte-là, certaines techniques utilisées pour maximiser la production me mettaient mal à l'aise. Et là, je vais donc introduire quelque chose qui est bien du ressort de ma propre sensibilité. En particulier, je trouvais écœurant que l'on réorganise les fratries à la naissance en fonction du poids, par exemple. Alors, en groupant tous les petits porcelets ensemble pour que les gros ne se nourrissent pas à leurs dépenses, qui est une technique, de telle sorte que les truies nourricières n'étaient pas forcément les mères biologiques des porcelets. Certaines truies nourricières étant même envoyées à l'abattoir juste après la mise bas. Dans d'autres scénarios de maximisation, on préférait sacrifier les porcelets les plus petits en les laissant mourir dans les travées ou en les tuant. Et donc les gens décrivaient la cloison thérapie comme une technique utilisée pour fracasser le crâne du porcelet et le tuer d'un coup. Du fait des modifications génétiques, il n'est pas rare que les truies fassent 20 porcelets au lieu de 8 ou 10 par portée, ainsi sans la sélection génétique. Il faut donc de toute façon trouver des méthodes pour sevrer les porcelets surnuméraires, car il n'existe pas de truie avec plus de 14 mamelles. C'est mathématique. 11 ongles, disaient les salariés, mais les balles, c'était des truies et des porcelets qu'ils destinaient à vivre ou à mourir, plus ou moins vite. Et donc, la question que je me posais à ce moment-là, c'était est-ce que j'avais le droit de les écouter sans porter de jugement moral a priori, comme cela devrait être dans toute approche de type compréhensive. Et c'est ce que j'essayais de faire, je ne jugeais pas. Mais dans cette vacance du jugement, j'étais physiquement écœurée. Respecter la règle de suspendre le jugement moral pour entrer dans le monde vécu de nos interlocuteurs se heurtait en l'occurrence au fait que le sentiment de l'horreur précisément n'est pas un sentiment, si on entend par là une forme de sensibilité déjà élaborée. Il s'agit d'un vécu corporel qui tend à se somatiser selon les cas sous forme de nausées, de vertiges ou d'autres troubles qui ont tous en commun de sidérer la pensée. Donc suspendre le jugement moral, vous voyez que c'est assez compliqué parce que ça implique d'élaborer ce malaise qu'on ne peut pas facilement laisser de côté parce qu'il est notre compréhension en même temps qu'il trouble notre compréhension. Donc durant cette enquête, l'un des porchers nous a fait visiter son exploitation et je me souviens de son air navré au milieu des rangées de truies disant « Elle n'aime pas ça Pascal, elle n'aime pas ça » et non, je n'aimais pas beaucoup et j'ai répondu par un sourire contrit parce que par contre j'aimais bien cet homme. Mais ce que j'aurais été incapable de lui dire, c'est qu'au matin je m'étais réveillée nauséeuse avec une étrange image en tête. Je me voyais entourée d'une immensité rose de peau de cochon ondulante à perte de vue. En même temps que des milliers de cochons semblaient s'être confondus, fondus dans ce grand corps illimité, chaque ondulation se voyait aussi comme un cochon, un peu comme si on pouvait voir en même temps l'océan et chacune des gouttes qui le composent. Donc cette image mentale est la première élaboration consciente de mon malaise somatique, c'est-à-dire de mon écœurement face au processus de désanimalisation que subissent les cochons en élevage industriel. Alors les images mentales sont, selon les termes de Meyerson, la langue de notre propre expérience. Elles sont dotées d'un pouvoir articulaire qui peut unifier le réel et le symbolique, la sensibilité et la cognition. Et elle joue un rôle si important dans la vie psychique, hein, je ne sais plus qui a dit, dans le grand sémantisme de l'imagination, hein, et dans la création, y compris scientifique, qu'il n'y a aucune raison de ne pas leur accorder un statut noble et heuristique dans l'interprétation, hein, même si c'est inhabituel. Et c'est donc ce que je vais faire. L'image de la mère porcine, vous pouvez l'entendre dans les deux sens, hein, du terme, exprime mon malaise devant l'indéterminé. Les cochons sont tous uniques et paraissent tous identiques. Devant le liminal, la peau glabre du cochon évoque la peau humaine, j'y reviendrai dans un instant. Devant les techniques pour maximiser la vie, insémination artificielle, sélection génétique, triage détruit, déporcelé, etc. Mais aussi exprime mon incertitude éthique que provoque chez moi la vie misérable des cochons industriels. Incertitude éthique parce qu'en dépit de ce constat, je ne parviens pas à considérer les travailleurs de l'industrie porcine comme des bourreaux. Je me demandais plutôt qu'est-ce qui se joue là dans la manipulation de la vie et qu'est-ce que ça nous fait, hein, pourquoi ça m'écœure et qu'est-ce que ça leur fait à eux. Et combien de temps il me reste? Ou encore au moins 20 minutes. Bon. Parce que j'ai un gros bout, quoi. Donc, Cora Diamond, Analysant mes anges, qui est un poème de Walter de la Mare, c'est un texte qui se trouve dans le recueil L'esprit réaliste, souligne qu'à travers l'image du fil ténu de la vie, le poète fait référence à une conception de la vie qui n'est pas celle de la vie biologique, à laquelle se réfère notamment la théorie des droits des animaux, hein, mais qui repose sur une conception de la vie humaine, une vie vécue et perçue comme vulnérable, précieuse dans et par sa vulnérabilité même. Si on a pour référence la vie d'un cochon dans une prairie, et j'ai visité, il se trouve, des élevages bio à l'époque où j'ai fait les enquêtes, il est certain que la production industrielle le contraint à une existence misérable. Même quand l'animal n'est pas victime de sévices, c'est cette amputation de sa vie qui constitue la principale maltraitance industrielle. De ce point de vue, cela ne change pas grand-chose qu'un porcelet soit nourri par sa mère biologique, une autre truie ou le biberon du porcher. Ça m'affecte, moi. Comme cela m'affecte qu'on tue des porcelets dans, alors ça c'est au Québec, des chambres à gaz, même s'il s'avère que ces petites chambres à gaz sont l'un des moyens les moins cruels, en tout cas moins cruels que la cloison thérapie ou de laisser périr de faim ou de soif les cochons, les petits cochons surnuméraires. Alors, de là à confondre la concentration des cochons dans les porcheries industrielles avec la concentration des humains dans les camps nazis, comme cela s'entend beaucoup, à la fois dans la parole des éleveurs parfois, mais aussi dans les textes des chercheurs qui sont plus spécialisés sur ces questions-là. Voilà, est-ce qu'on a le droit de faire une telle analogie? Par exemple, une analogie qui fera dire ou écrire à Jocelyne Porcher donc, la phrase suivante: à l'opposé de la puissance de l'éthique du travail avec les animaux historiquement à l'œuvre en élevage, la vacance de la pensée et du sens moral dans les systèmes industriels conduit au développement autoproduit et consenti d'un système que l'on peut difficilement soustraire à la référence au système de pensée nazi. Alors elle dit bien, hein, que l'on peut difficilement soustraire à la référence, et c'est pas faux. Il y a quelque chose là de cette analogie qui se tient fantasmatiquement, en tout cas, hein, et qui se tient jusque dans mon fantasme d'une surface ondulée en peau de cochon, où je sais que figure la réminiscence de mon effroi d'enfant, découvrant qu'on ait pu fabriquer des abat-jours en peau humaine. Mais ce fantasme pourrait-il s'avérer dangereux s'il aboutissait à confondre les travailleurs de l'industrie porcine avec des nazis, hein, puisque cette analogie, finalement, pourrait confiner à ce type de confusion. Donc je laisse la question pour l'instant suspendue. Ce que je voudrais dire pour l'instant, hein, c'est qu'en effet, le caractère de créature semblable à nous du cochon est particulièrement saisissant dans un de ses aspects corporels, qui est sa peau rose et glabre, qui évoque la peau des êtres humains, blanc. Son numéro de série est marqué sur cette peau. La peau rose, marquée d'un numéro, un matricule, hein, qui vient remplacer l'identité personnelle, évoque en effet les camps nazis qui ont existé dans l'histoire humaine, hein, avant en fait l'invention de l'élevage industriel. Et ce n'est sans doute pas la, ce n'est pas la peur qu'on nous traite comme des animaux qui est moteur dans l'effroi que génère le traitement des animaux industriels, c'est plutôt de penser qu'on les traiterait comme on a déjà traité des humains autrefois. C'est la réminiscence de la vulnérabilité humaine à travers celle de l'animal qui introduit l'imaginaire des camps dans le système industriel de la viande, hein, même si ce système désanimalise les animaux selon une logique industrielle certes critiquable, mais qui n'est pas celle des camps, hein, plutôt celle de la performance et de la maximisation de la vie réduite à son substrat biologique. Donc, par déplacement condensation, hein, entre le corps de l'animal et le corps de l'humain, deux réalités, hein, le traitement des humains dans les camps et le traitement des cochons dans l'industrie, se superposent d'une façon susceptible de sidérer la pensée. Hein. À sa place, il y a la somatisation, l'écœurement, le vertige, un malaise incoercible qui s'élabore secondairement en un fantasme pénible, donc le fantasme de la peau ondulée, un fantasme qui est celui, j'insiste, hein, d'une européenne blanche, qui vit après les camps. Il va de soi que si j'entretenais un rapport historique et ou géographique, voire mélanique, hein, si j'étais noire, plus distant, voire étranger à l'histoire des camps, je n'aurais pas le même accès, peut-être pas d'accès du tout à un tel imaginaire. Mais quoi qu'il en soit, c'est bien parce que nous percevons le cochon comme une créature par certains aspects semblable à l'être humain, que son traitement industriel peut susciter ce genre de confusion ou de réminiscence, jusqu'à encombrer péniblement l'interprétation de la souffrance dans le travail des éleveurs et obscurcir la perception de leur propre monde moral. Il y a, pourrait-on dire, une tension inhérente à nos façons de traiter les animaux, écrit Cora Diamond. Depuis l'enfance, nous sommes familiers d'animaux qu'on traite parfois comme s'ils étaient inclus dans la sphère de la moralité, et parfois comme de pures choses, parfois comme des compagnons, parfois comme des côtelettes d'agneau sur pied, et ainsi de suite. Donc je pense que cette idée, hein, d'une labilité de la conception de l'animal comme créature semblable est fondamentale, hein, une labilité qui est liée au fait anthropologique qu'on mange les animaux en dépit de l'empathie qu'on éprouve aussi pour eux. Une empathie dont on fait l'économie, par exemple quand on se tient uniquement dans le registre des droits des animaux, hein, c'est ce que montre très bien Cora Diamond. L'animal est à la fois créature semblable et chose à manger. Que ce soit dans l'élevage ou que ce soit dans l'expérimentation animale, hein, il faut être très défensif ou de mauvaise foi pour ne plus percevoir du tout l'animal comme créature. Hein, comme quand le type dit « la truie n'est pas très heureuse » ou là, elle est bien perçue en tant que créature. Dans l'expérimentation animale aussi, hein, on arriverait à une toute autre représentation de l'animal de laboratoire si on parlait avec ceux qui les manipulent quotidiennement, hein, ceux qui en prennent soin. Les garçons de laboratoire, par exemple, et non avec les responsables des programmes de recherche qui ont à en justifier les coûts et les résultats. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'en général, hein, comme dans la célèbre image du canard-lapin, on ne perçoit pas les deux états de l'animal en même temps. Hein. Nous ne faisons habituellement pas l'expérience vécue de la labilité de notre rapport à l'animal, car il existe pour nous, en tant que créatures semblables, dans des espaces séparés, de ceux où on le perçoit comme chose à manger. Or, ce qui est particulièrement troublant avec l'élevage industriel, c'est qu'on perçoit dans une presque simultanéité la créature semblable et la chose à manger. Ce qui génère, je pense, un trouble de l'empathie. Cette saisie perceptive de la labilité de la présence animale déstructure le clivage mental qui caractérise notre rapport habituel à l'animal. Ceci confère à l'animal industriel un statut différent de celui des autres animaux, un statut liminal entre l'animal comme créature semblable qu'il demeure et la chose à manger qu'il est déjà. On voit le canard et le lapin en même temps, pour ainsi dire, ce qui est impossible et donc quasi irréprésentable, sinon sous la forme de fantasmes, comme celui de la peau de cochon, dont chaque ondulation est aussi un cochon, ou sous la forme de jeux de langage à forte connotation défensive. Par exemple, une des participantes dans nos enquêtes disait « Pour moi, le cochon est un saucisson sur pattes ». On retrouve également cette labilité dans les deux registres sémantiques que les salariés utilisent pour parler des animaux. Soit ceux-ci sont désignés comme dans l'élevage traditionnel, on parle alors des coches, des cochettes, des truies, des verras. Soit les animaux, mais ce sont les mêmes éleveurs et ça peut être quasiment dans la même phrase, sont désignés comme du vivant, du matériel vivant, du matériel porcin, un chiffre, un numéro de série. Donc ce que je voudrais dire, c'est que cette intermittence de l'empathie n'est pas propre aux relations avec les animaux. On la retrouve aussi dans la relation entre les humains et par exemple on la retrouve dans le domaine du soin. Donc je ne vais pas vous faire un topo sur le domaine du soin, mais je vais vous rappeler simplement la série télévision Dr House, qui met en évidence cette intermittence, hein, justement, et ses aléas. Hein. Pour House, hein, pour le docteur House, bien soit la part curative, hein, le cure, hein, réussir le bon diagnostic, requiert une absence de care, hein, c'est-à-dire une absence d'empathie avec les patients, hein, qui va jusqu'à les soigner à distance sans les rencontrer ou en les rencontrant le moins possible. Je pense qu'on ne peut pas comprendre l'univers moral des travailleurs de l'industrie porcine et certainement des soignants d'humains. Sans tenir compte de cette intermittence et de ses relations avec les contraintes de la tâche, qui bien évidemment ne sont pas du tout les mêmes dans l'industrie porcine et dans le monde du soin. Je pense par ailleurs, mais ça je vais peut-être y revenir en conclusion, qu'on ne peut pas avoir, ne serait-ce que l'idée de cette intermittence, si on ne s'est pas soi-même soumis à l'expérience que représente ce type d'activité, hein, c'est-à-dire soit à travers une enquête, des visites d'élevage, etc. etc. Alors, l'intérêt pour la souffrance générée par le travail dévoile l'inexistence des salariés de l'élevage industriel comme agents moraux reconnus comme tels dans le débat public sur le traitement des animaux. Or, le traitement des animaux industriels dépend des humains qui s'en occupent. Alors, il y a des gens qui pensent que les humains sont faillibles et qu'il convient de les surveiller, de les guider, de les contrôler d'en haut. Les sciences du travail ont cependant montré que partout, le meilleur expert du travail est celui qui le fait. Il convient donc ici comme ailleurs, hein, d'écouter la voix des personnes qui travaillent, là en l'occurrence dans l'industrie porcine, et de lui concéder une légitimité au moins égale à la nôtre ou à celle des protecteurs des animaux, des écologistes, etc., jusqu'à preuve du contraire. Actuellement, les conditions d'équité d'une telle discussion entre humains font défaut. Au-delà des apports ponctuels de ce type d'enquête, hein, notamment en termes de prévention des risques pour la santé, ce genre d'enquête contribue plus largement à mettre en visibilité l'actuelle asymétrie du débat public sur l'élevage industriel et la stigmatisation des professionnels de l'élevage industriel qui ne sont pas reconnus comme des agents moraux pertinents dans ce débat. Ce monde à l'envers, hein, n'apparaît qu'à partir de l'expression de la souffrance des salariés de l'élevage. Celle-ci vient déplacer les termes de la discussion en interrogeant la place réservée, paradoxalement, hein, aux humains dans le débat sur l'élevage industriel. Une place dont j'ai essayé de vous montrer qu'elle est en fait absente. Toutefois, pour avoir accès au point de vue moral des salariés de l'industrie porcine, à leur souffrance aussi, hein, il faut être en mesure de formaliser son propre point de vue, et ce n'est pas facile. La perception de la vie misérable de l'animal industriel est fortement déstabilisante en déstructurant le clivage qui sépare habituellement l'animal de la chose à manger, mais aussi l'animal de l'humain. Elle suscite angoisse et défense du côté des chercheurs. Donc on peut s'en défendre. Par exemple, en chausifiant le saucisson sur pâte, hein, comme disait la salariée, ou on peut s'en défendre aussi en plaquant des schémas moraux ou un imaginaire, venu d'ailleurs, en l'occurrence l'imaginaire des camps, pour dénoncer l'intolérable de la situation. L'ensemble de ce matériel que j'ai évoqué, je m'en excuse d'une manière extrêmement succincte et brève, pose quand même la question des articulations entre sensibilité, connaissance et sens moral. Par exemple, à travers des questions comme celle-ci, hein, est-ce que l'écœurement, les images, les fantasmes bizarres, les cauchemars ont valeur morale ? Ce qui fait fuir massivement, parce qu'ils ont beaucoup de mal à retenir les salariés dans l'emploi, hein, ce qui fait fuir les salariés des situations d'élevage industriel, est-ce que c'est en deçà de la morale, hein, est-ce que c'est une simple défaillance du corps, hein, parce que ça pue, parce que c'est bruyant, parce que c'est désagréable, ou bien ce qui nous dégoûte fait-il déjà l'objet d'une perception morale, hein, quel moment ça commence à pouvoir... plus largement, quel rôle joue la perception dans la construction du sens moral ? Donc, j'avais pensé peut-être en passer faire un parallèle, hein, avec un extrait qu'on trouve d'une situation qu'on trouve dans le livre de Carole Gilligan, qui dans une voix différente, qui donne la parole à une fille qui s'appelle Claire, qui décrit son expérience de conseillère dans une clinique d'interruption de grossesse. Donc je vais vous lire l'extrait, vous allez voir pourquoi je fais ce rapport. Donc Claire avait reçu comme consigne de répondre au cas où une femme voudrait voir ce qui a été expulsé de son utérus. À ce stade, il est impossible de distinguer quoi que ce soit. Cela ressemble tout simplement à de la gélatine. Comme cette description s'opposait violemment au tourment moral qui déchirait Claire depuis qu'elle travaillait à la clinique, elle décida qu'elle devait faire face à ce qui se passait réellement. C'est pourquoi elle s'obligea à regarder le fœtus expulsé à un stade déjà avancé de la grossesse, donc perception. Je ne pouvais plus me faire d'illusions et dire qu'il n'y avait rien dans l'utérus, tout juste quelque chose gros comme un petit pois. Ce n'est pas vrai et je savais que ce n'était pas vrai, mais il fallait que je le voie. Et pourtant, je savais que le fœtus était comme ça. Mais j'étais quand même convaincue de la justesse de la décision qui avait été prise par la femme d'avorter. En revanche, j'étais incapable de dire, eh bien voilà, ceci est bien ou mal. J'étais constamment déchirée. Donc, ce que je ne veux pas faire d'analogie entre les deux situations, mais ce que je voudrais quand même souligner, c'est que dans ces deux cas, qui sont des cas de liminalité, animal, chose à manger d'un côté, fœtus humain de l'autre, en passer par la pratique et la perception du réel, interroge les certitudes éthiques et condamne les agents, non pas à l'absence de sens moral, comme on le dit fréquemment en ce qui concerne les salariés de l'élevage, dont on dit qu'ils sont dépourvus de sens moral, dans beaucoup de citations que vous trouverez chez les meilleurs auteurs, etc. Donc ça ne les condamne pas à une absence de sens moral, mais à une certaine perplexité morale résiduelle. Ce n'est jamais tout à fait bien ou tout à fait mal, ce qui est à nouveau angoissant. Et c'est peut-être de cette angoisse que font l'économie de la plupart des théories morales, mais aussi des interprétations scientifiques, me semble-t-il. Et c'est bien à partir de ce type de situation particulièrement dérangeante pour les certitudes qu'on pourrait interroger aussi les dimensions défensives des théories morales ou scientifiques. Par défaut, ce que Vinadas appelle les langages de la souffrance sont voués à rester à l'extérieur de la science ou de la morale, lesquels deviennent alors les agents d'un monde qui condamne les affects au silence, en particulier les affects des subalternes dont font partie les salariés de l'industrie porcine. Tout discours qui se déprend d'une apparente objectivité encourt, ainsi que le souligne Cora Diamond, le risque d'être disqualifié comme sentimental. Et donc, s'il s'agit dans ce colloque de réhabiliter le concept d'empathie, je pense que ça ne peut pas se faire sans réhabiliter le concept de sentiment ou plutôt de sensibilité qui permettrait cette réhabilitation de lutter contre la disqualification des affects dans le champ scientifique. Voilà. Et donc simplement pour conclure, John Tronto dans ses travaux sur le care dit qu'il faut désentimentaliser le care. C'est-à-dire pour le disjoindre sa naturalisation dans une féminité du côté. Qui serait du côté comme ça de la tendresse, etc. Qu'il faut donc, pour en faire apparaître la part, la dimension sociale et la dimension politique, le désentimentaliser. Bon, c'est très très intéressant, sauf que pour désentimentalisant le care, il ne faudrait pas disqualifier les concepts qui tournent autour de la question de la sensibilité, du sentiment, de la subjectivité, éventuellement de l'empathie, etc. Voilà. Merci. Bien, merci beaucoup pour cette conférence très éclairante. Je pense que ça va soulever des questions. Donc on passe tout de suite à la discussion, si vous voulez bien. Il y a une question là-bas, oui? Alors, ce n'est pas une comparaison que je fais moi. Non, mais c'est juste pour me faire une remarque. Ça, que, bon, voilà, il y a une petite différence. Là, quand même, cette comparaison-là, c'est formidable. Bon, donc, déjà, les nazis adoraient les animaux, Hitler adorait les animaux. Ce problème, c'est qu'il a été responsable de la destruction d'Europe et il a fait assassiner des millions de personnes. Et la deuxième remarque, c'est que la conclusion qu'on fait souvent, c'est que utiliser quand de toute façon quand la mort de manière équivalente, c'est pas pareil. Et alors, si on maintient cette métaphore ou cette comparaison jusqu'au bout, il faut aller jusqu'au bout, quoi. Est-ce qu'un élevage industriel de cochons, est-ce que ça fait plus référence à Saxe-Noson qu'à Auschwitz? Je suis désolée, je dis pas ça par provocation, mais je trouve ça quand même incroyable. Moi, ça ne me gênait. Enfin, les auteurs qui comparent l'élevage industriel au camp ne le font pas pour comparer les humains et dégrader les humains à un statut subalterne d'animalité. Le font à la manière dont peut le faire Coetzee, par exemple, exactement dans le sens inverse, hein, c'est-à-dire qu'il s'agit de rehausser l'animal a une dignité qu'on ne lui concède pas. Donc c'est ça, c'est important. Là où moi je suis critique sur cette analogie, c'est sur le fait qu'elle confond des travailleurs qui sont des travailleurs ordinaires avec des bourreaux. Et c'est logique. C'est-à-dire que si on rehausse l'animal au statut de l'humain, ceux qui les maltraitent deviennent des bourreaux. Toute la question étant de savoir après qu'est-ce qu'on appelle maltraitance aussi. Hein. Problème qui n'est pas réglé par les problématiques du bien-être animal, hein, puisque les problématiques du bien-être animal essayent, grosso modo, de faire un compromis entre l'industrialisation de la production de viande et le sort de l'animal. C'est-à-dire la cage va être, je vous le dis très trivialement, la cage va être plus grande ou les animaux vont être moins attachés. Globalement, c'est quand même autour de questions comme ça que tourne la question du bien-être animal, mais on reste dans le cadre quand même de l'industrialisation. C'est pour ça que je pense que la vraie, si on veut poser la question de est-ce que la vie du cochon en élevage industriel est misérable ou pas, il ne faut pas se référer à bien-être ou pas bien-être animal. Il faut aller voir qu'est-ce que c'est que la vie d'un cochon quand il vit dans un espace naturel. Auquel cas, effectivement, la question, il n'y a pas besoin de taper sur les cochons un coup de nerf de bœuf dans les élevages pour parler, pour se préoccuper de la situation qui est la leur. Ce qui est très très très dérangeant, et c'est pour ça que je trouve que c'est une question, enfin que c'est important autour de la question de l'empathie, de prendre la question de l'animal et d'un animal très particulier comme le cochon, parce que c'est un animal qui se trouve, suscite de très forts mouvements d'identification du fait de sa peau rose et glabre, encore une fois. Les gens vous diront aussi, mais les cochons très souvent ont les yeux bleus. Enfin bon, il y a un certain nombre de critères comme ça qui font que pour les gens, fantasmatiquement, il y a des choses, il y a des éléments de la morphologie du cochon qui font directement référence à l'humain et qui font que du coup c'est très compliqué cette histoire de l'imaginaire des camps. Moi j'étais en désaccord, enfin là je ne l'ai pas raconté comme ça parce que c'était j'ai pris une autre entrée, j'étais en désaccord complet sur le fait de d'utiliser cette analogie en même temps que je comprends très bien qu'elle puisse s'imposer à la pensée, hein. Et ce que j'ai essayé de suggérer, c'est que, y compris dans cette image très bizarre qui a été un espèce de pivot dans ma propre interprétation de la situation, hein, l'image de la peau de cochon ondulée, je sais qu'il y a cette référence à des utilisations qui ont pu être faites de la peau humaine. Donc il y a quelque chose là qui ne se laisse pas saisir dans des processus ni binaires, ni idéologiques, ni totalement, qui répondraient totalement à un outillage conceptuel rationaliste et qui implique, pour être pensé, et je ne dis pas que je le pense jusqu'au bout, hein, quand je fais l'exercice que je fais là. Je suis loin du compte, à mon avis. C'est quelque chose qui va travailler encore longtemps et qui travaille déjà depuis longtemps pour moi et qui travaillera encore longtemps. Mais je pense qu'on ne peut pas là faire l'économie d'un certain nombre de chaînons qui ressortissent directement au domaine de la psychologie clinique. On va aller vite. D'autres questions ? Lexi. C'est par rapport à ta conclusion, comment on fait alors comme chercheur et dans le discours pour lutter contre cette dimension défensive des théories et en même temps décentimentaliser le care sans disqualifier la sensibilité de l'hôpital. Qu'est-ce que ça a quelle image du sentiment, des émotions? Alors, je pense que déjà, il faut poser le problème. Ce que j'essaie de faire, c'est durant cette période de ma carrière, on va dire, pour aller vite, c'est de vraiment poser le problème d'une façon centrale. Pour ma propre discipline, qui, je pense, a atteint la maturité pour le faire, et peut s'autoriser maintenant à parler peut-être un petit peu différemment de la manière dont elle produit ses propres résultats, mais aussi plus largement, parce que ça appelle effectivement des formes de conceptualisation où on a besoin des autres, on a besoin de la philosophie, par exemple, très, très, très clairement, pour d'une manière générale, hein, pour construire cette approche théorique. Mais ça suppose, il me semble, dans un premier temps, de poser le problème. Ce qui n'est pas du tout évident, puisque quand même, normalement, une approche scientifique, c'est une approche qui ne fait pas ça. Donc voilà. Donc déjà, poser le problème et puis réfléchir collectivement à qu'est-ce qu'on peut se donner comme moyen pour légitimiser la place des affects, pas seulement les affects des autres. Parce que c'est quoi ce regard surplombant des chercheurs sur la souffrance des autres? Je veux dire, bon, il y a problème, quoi. Mais comment on fait pour prendre en compte aussi la subjectivité des chercheurs comme aiguillon du travail clinique et pour le théoriser, pas simplement pour s'en servir, parce que très souvent les chercheurs font ça, ils s'en servent et puis après au niveau au moment où ils écrivent l'article, c'est lissé, ça n'apparaît plus. Et donc moi je suis prof, j'ai aussi un problème de transmission et comment je transmets l'expérience clinique s'il n'y en a aucune trace dans les textes. Voilà, donc tu vois, c'est autour de... Donc j'ai pas de réponse, c'est plutôt un appel à prendre au sérieux collectivement pour les gens qui s'intéressent justement à toutes les dimensions qui tournent autour du sens, de la sensibilité, de l'empathie, etc. De prendre cette question-là au sérieux. Exactement. Vous fassiez allusion aux travaux de Georges Pompreux, parce que même chez les psychanalystes, Jean Pompreux, il est un peu malmené ou même ignoré. Mmh. Et je trouve que c'est très fécond. Et d'ailleurs, il va même jusqu'à dire qu'un scientifique, par exemple, comme un biologiste qui observerait les larves de je ne sais quel groupe au microscope, il serait déjà lui-même impliqué dans l'observation et viendrait la perturber. Qu'on a beaucoup à gagner à travailler là-dessus. Est-ce que les évaluateurs seront portés intérêt? Ça, c'est encore aussi un autre aspect de la chose. Est-ce que, à quelqu'un qui prétendrait à la scientificité en prenant en compte les paramètres que vous évoquez, au regard de l'évaluation de la recherche, soi-disant scientifique, j'imagine très bien que beaucoup d'évaluateurs ne le prendront pas en compte. D'ailleurs, la raison pour laquelle moi je vais jusqu'à dire qu'il nous faudrait nous-mêmes construire nos propres outils d'évaluation. Bien sûr. Plutôt que de dire à d'autres le soin de s'en occuper alors qu'ils n'ont aucune compétence. Ouais. Bien sûr, puisque là, ce sont des processus où l'interprétation est par définition tout à fait singularisée et en plus, par définition, inachevée. C'est-à-dire, c'est des processus en plus sur du temps très long. Donc, on échappe complètement au modèle de la brique bien taillée positiviste, quoi. C'est clair.